flambeau, se soulevant sur les poignets. « C'est drôle tout de même, ici, sur cette terre, où je me suis déjà fait tuer pour le père, de revenir tomber pour le fils aujourd'hui. » Le duc. « Non, ce n'est pas pour moi que tu meurs, c'est pour lui. Pas pour moi, pas pour moi. J'en avoue pas la peine. » Pour lui ? Mais oui, pour lui. C'est Wagram, cette plaine. Wagram ! Wagram ? Vois-tu Wagram ? Reconnais-tu la plaine, la colline et le rocher pointu ? Nous sommes à Wagram. L'instant est solennel. Davout s'était lancé pour tourner une lucidelle. L'empereur a levé sa petite lunette. On vient de te blesser d'un coup de baïonnette. Je t'ai transporté là, sur ce talus, et j'ai... Flambeau. Mais ce soldat couché là maintenant me fait peur. Eh bien quoi, ça n'a rien d'étonnant qu'un grenadier français dans cette herbe s'endorme. Et cette herbe connaît déjà cet uniforme. Il se penche sur Flambeau. Oui, la victoire, au bout des fusils, les shakos. Mais le duc assiste impuissant à la mort de Flambeau. Et alors, toute la nature environnante clame les souffrances et les blessures des victimes de Wagram. Quand deux filets de sang se mettent à couler des lèvres du duc. Et je sais ce que c'est que le sang que je crache. Toute la plaine hurlant de douleur. Ah, ah ! Le duc, et tous ces bras que je vois, tous ces poignets sans mains, toutes ces mains sans doigts, monstrueuse moisson qu'un large vent qui passe semble coucher vers moi pour me maudire. Grâce ! Grâce, vieux cuirassé, qui tente en gémissant d'atroces gants crispins aux manchettes de sang. Grâce, pauvre petit voltigeur de la garde, qui lève lentement cette face hagarde. Ne me regardez pas avec ces yeux. Pourquoi rampez-vous tout d'un coup en silence vers moi, Dieu ? Vous voulez crier quelque chose, il me semble. Pourquoi reprenez-vous haleine tous ensemble ? Pourquoi vous ouvrez-vous, bouche pleine d'horreur ? Quoi ? Qu'allez-vous crier ? Quoi ? Toutes les voix. Vive l'empereur ! Merci. Mais j'ai compris. Je suis expiatoire. Tout n'était pas payé. Je complète le prix. Oui, je devais venir dans ce champ. J'ai compris. Il fallait qu'au-dessus de ces morts, je devinsse cette longue blancheur, toujours, toujours plus mince, qui, renonçant, priant, demandant à souffrir, s'allonge pour se tendre et mincit pour souffrir. Et lorsqu'entre le ciel et le champ de bataille, là, de toute mon âme et de toute ma taille, je me dresse, je sens que je monte, je sens qu'exhalant ces brouillards, comme un énorme encens, toute la plaine monte, afin de mieux me tendre au grand ciel apaisé qui commence à descendre. Et je sens qu'il est juste et providentiel que le champ de bataille ainsi me tende au ciel, et m'offre pour pouvoir, après cet offertoire, porter plus purement son titre de victoire. Prends-moi, prends-moi, Wagram, et, rançon de jadis, fils qui s'offre en échange, et là, de tant de fils, au-dessus de la brume effrayante où tu bouges, élève-moi, tout blanc, Wagram, dans tes mains rouges. Il le faut, je le sais, je le sens, je le veux, puisqu'un souffle a passé ce soir dans mes cheveux, puisque par des frissons, mon âme est avertie, et puisque mon costume est blanc comme une hostie. Père, à tant de malheur, que peut-on reprocher ? Chut ! J'ajoute tout bas, chêne brune, à ton rocher. C'est fait. Mais à l'instant où l'aiglon se résigne à la mort innocente et ployante d'un signe, comme cloué dans l'ombre à quelque haut portail, il devient le sublime et doux épouvantail qui chasse les corbeaux et ramène les aigles. Vous n'avez plus le droit de crier, chant de seigle. Mais... après ce glorieux sursaut, le duc redevient le colonel autrichien quand il entend au loin une musique autrichienne.